Bonsoir à tous, bienvenue dans le Roquefort Show. Nous sommes le jeudi 21 septembre. C'est la fin de l'été. Et vous écoutez The Last Embrace sur le Roquefort Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30. Mon cher Tom, comment vas-tu ? Ça va. J'aime bien, il n'a pas de micro. C'est chouette. C'est chouette. Ah, voilà. Ça y est, mince, il a un micro maintenant. C'est juste que quand t'as pris le micro, c'est ta faute. Maintenant, il est égal tu à moi-même. Sur on, off plutôt. Tiens, regarde, on t'appelle, c'est alerte. Je pense que c'est le groupe que l'on doit recevoir ce soir. Et qui a draqué oui, son. Bien avec Tom. Ah, bah, c'est ça, il est en direct, il est là. Ça va ? T'es en direct à la radio ? T'es pas un peu en avance ? Non, c'est moi qui lui ai demandé d'appeler pour voir, pour tester. Voilà. Bon, c'est pas la peine de laisser ça à l'antenne, mon cher Tom. Tu le prends en antenne et puis moi je continue. Voilà. Voilà, vous avez tout eu, vous avez tout le direct, les coulisses. Et ce soir, il faut vous dire quand même que c'est d'habitude le Roquefort Show et ce soir c'est le Roquefort Show. Voilà, parce qu'on a testé un truc. Alors ce soir, on recevra le groupe Drakkar dans les studios en phoneur, bien entendu, puisqu'ils étaient avec nous au Fertois samedi. Samedi, ils ont donné un magnifique concert pour nous présenter Diabolical et Bati, leur dernier album. Ils viendront nous en parler. Tout à l'heure, pour l'instant, on va vous dire ce que l'on a entendu en ouverture d'émission. Il s'agissait de Jack Panzer. Jack Panzer qui nous a sorti un nouvel album qui s'appelle The Deviant Chord. Ça sortira le 29 septembre chez SPV. Et le titre que je vous ai proposé de découvrir ce soir s'appelle Born of the... Alors, Flame ? Monsieur Tom, tu n'as pas dit bonjour ? Tom, t'es là ? Ouais, je suis là, deux secondes. Quand même. Il contient 10 titres et c'est un quintet heavy metal formé en 1981 aux États-Unis, très exactement à Colorado Springs. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle The Last Embrace. Non, ils n'ont pas encore sorti de nouvel album, mais par contre, ils seront en concert électrique. Parce que et non acoustique temps. Que vous entendez en fond sonore. Parce que ces derniers temps, vous les avez souvent entendu en acoustique et là, ils seront en électrique. Alors attention, préparez-vous, attends. C'est au ministère des finances. Donc, quand vous allez payer vos impôts, en même temps, vous allez écouter The Last Embrace. C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, un petit peu. Ouais. Pour les tu payes tes impôts, toi, en ce moment ? Ah, j'essaye. T'en as de la chance, parce que ça fait 3 ans que j'en paye pas. Ça, c'est sympa. Ministère des finances, donc c'est à Bercy, c'est quai de Bercy. Et c'est demain midi, donc c'est de midi à 14h. Voilà, vous allez sur le site ou sur le Facebook de The Last Embrace et vous aurez tous les détails, parce que je ne les ai pas tous notés, mais en tout cas vous les aurez tous et puis vous les avez aussi dans la newsletter qu'on a envoyée aujourd'hui. Voilà. Avant de passer à Drakkar, nous allons écouter quelques petites nouveautés, notamment nous allons partir en Angleterre avec Paradise Lost, tiré de leur dernier album Medusa, et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle Blood and Chaos. Tout un programme, mais Blood and Chaos, tiens, je vais le dédicacer à tous les gens qui habitent Mexico et puis tous les gens qui ont subi le chaos total avec les ouragans et tout, donc dans les Antilles et puis partout ailleurs où il y a eu des catastrophes. Ça sort chez Nuclear Blast le 1er septembre. C'est le 15e album studio du groupe. Il contient 8 titres plus 3 bonus dans sa version Digipack. C'est du metal gothique. Le groupe s'est formé en 1988 à Halifax, au Royaume-Uni. Nous enchaînerons ensuite avec Kelloger, qui est un groupe italien. Donc c'est pas la première fois qu'on vous les passe, les Kelloger. Puisqu'ils en sont à leur, je crois que ça doit être 3e album du groupe. Ça sort chez Zeta Factory le 6 octobre, donc on est un petit peu grave en avance. Et l'album s'appelle Keystown. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Breaking Down. Vous allez voir, c'est un très bon titre. C'est un quatuor, un quartet, comme vous voulez, italien, de prog metal, formé en 2008. Enfin, prog assez quand même musclé, assez death quand même. Et ils nous viennent de Modène, en Italie. Nous enchaînerons ensuite avec Red Beans and Pepper Sauce. On vous les avait déjà passés au mois de juin, me semble-t-il, lorsqu'on avait reçu l'album. Mais l'album ne sort que aujourd'hui. Eh oui, le 21 septembre, sur Crossroad Records, Crossroad Prod même. L'album s'appelle Red, et vous verrez la magnifique voix de chant féminin sur ce groupe, c'est vraiment, vraiment bien. Et ça s'appelle No Saint Today, c'est le morceau qu'on écoutera. L'album contient 10 titres. Et c'est un groupe français formé à Montpellier. Ils nous font du rock blues, et surtout, ils seront en concert, mon cher Tom. Est-ce que tu peux m'annoncer les dates de concert ou pas ? à Montpellier Rockstore les 22 septembre et le 6 octobre à Aulnay-sous-Bois. Ouais, au Nouveau Cap à Aulnay-sous-Bois. Mmh. Voilà. Alors bon, j'irai le 6 octobre, pourquoi pas aller les voir à Aulnay-sous-Bois. Il y aura d'autres dates, hein, on vous annoncera d'autres dates au fur et à mesure, et ce ne sont pas les seules dates qu'il y a sur leur site, hein, parce qu'ils en ont, pas mal, puisque dès demain, donc, ils seront chez eux à Montpellier pour présenter le nouvel album. Nous enchaînerons ensuite avec Acme qui nous sort son nouvel album chez Atom. Il sortira demain l'album, et il s'appelle Acme tout simplement, pour vous dire que le groupe, c'est ce qu'il représente aujourd'hui, c'est-à-dire le Acme d'aujourd'hui. On voit les quatre personnages en couverture de leur album, la photo des quatre personnages. C'est le même monde depuis 2000. Non, ça a changé quand même. Le chanteur a changé. Avec Julien, voilà. Le chanteur a changé. Et c'est justement le titre que je vous ai choisi, ça s'appelle Rien ne nous arrêtera, puisque dessus on retrouve Renaud de Lofofora. Et c'est surtout un clip qu'ils ont sorti, je crois, hier ou avant-hier. Et qui illustre donc ce nouvel album d'Acme, Rien ne nous arrêtera. Je crois que c'est un petit message. Ça sort chez Atom. C'est le 8e album studio du groupe, 18e année d'existence. Metal alternatif, le groupe s'est formé en 1999 et ils nous viennent de Paris. Et d'ailleurs, il n'y a pas un projet avec Acme et Rock for Show ? Si, il va y avoir quelque chose, puisqu'il y a un concours. Déjà, on va faire un concours pour gagner des albums. Donc, c'est pour ce soir, 06. 81 01 28 34. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question ? Quel est le nom du nouveau chanteur ? Oh, c'est simple. Je l'ai dit en plus. Oui, en plus. Mais non, mais c'est simple. Non, je veux le nom et le prénom quand même. Faut pas déconner. Et surtout, le groupe sera donc en concert à partir de samedi. Mais je crois qu'il y a d'autres concerts. Il y en a plein. Là, c'est pareil. Hein. Il y a pléthore de concerts. Mais ils sont premier à concert... Cergy le 14 octobre. Cergy, 14 octobre. La Maroquinerie. Le 4 novembre et le 23 septembre, c'était samedi, c'est ça ? Ouais, c'est samedi. À l'espace culturel à Rombas dans le 57. Exactement. Voilà, et pour Cergy, ça sera à l'Observatoire. Voilà, écoutez, on part en musique. Si vous voulez rafler ce nouvel album d'Acme, le nom du chanteur, nom, prénom, et puis tiens, sa taille. Allez, on part. Oui, c'est moche. On part tout de suite avec Paradise Lost, enchaîné avec Hello Girl. On continuera avec Red Beans and Pepper Sauce. Et pour finir avec Acme, on se retrouve tout de suite après. Musique. We have to be. There's no See you. Fire into the storm en direct. Et pas. En direct sur le Rock for Show. Tom vient de péter une durite, hein, c'est rien. Vous inquiétez pas. D'ici la fin de la soirée, je pense qu'il va sauter du balcon. Il n'y a pas de souci. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle Avatarium, tiré de leur album Hurricanes and Halos, et c'est sorti chez Nuclear Blast au mois de mai. C'est suédois, alors ils appellent ça du Doom, ça n'a rien à voir avec le Doom, mais bon, bref, c'est du heavy. Et ils seront surtout en concert, mon cher Tom, si tu as le temps de nous dire avec qui. Avec The Slayer King. Bien, et c'est quand? C'est le 25 septembre au Glazart. Bien, bravo, c'est bon. Bon, pour l'instant, il a tout bon, ça va. 06 81 01 28 34, n'oubliez pas, si vous voulez rafler des albums de Acme, tiré du dernier album Acme. Il faut nous donner le nom du nouveau chanteur, enfin qui est plus si nouveau que ça maintenant, et son prénom et sa taille. Et c'est pas comme Julien, non? Et c'est pas quoi? Non, rien. Bon, d'accord, ok. Si c'est pour nous dire ça, Tom, ne nous le dis pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a écouté, Tom? De quoi? On a écouté beaucoup de choses. Bah oui. C'est juste Acme. Non, avant. Ah, avant Acme, tu veux dire? On a écouté Kelloger, on a écouté Paradise Lost, et on a écouté quoi d'autre? Bah, Clarium. Kellogger. Kellogger. Essaye de dire Kellogger. Red beans and pepper sauce. Comment? Red beans and pepper sauce. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais. Les haricots rouges et la sauce pepper. Sauce pepper, bah, sauce au poivre. Oui, la sauce. Ouais, mais je... Ah, je savais pas. Mais moi, l'anglais, ça fait deux, c'est très bien. Mais que... justement, j'essaye de t'apprendre chaque semaine un petit peu d'anglais. Hein? Parce que... Tout à l'heure, on partira avec Dracar. Ça veut dire quoi, Dracar, en français? C'est belge. D'ailleurs, on salue Lenny qu'on a eu au téléphone et qui viendra tout à l'heure. C'est Lenny, c'est Richie qui était au téléphone tout à l'heure que t'avais. C'était Richie que t'avais. C'était pas Lenny. Merde. Ouais. Ah, tu l'as appelé Lenny. Je pense que tu l'as fâché et il rappellera plus. Hein. C'est malin. C'est malin. Voilà. Dracar, c'est le bateau. C'est bien. C'est... Bon allez, on va passer à la suite de la programmation. Bah, ils vont nous parler de leur dernier album, bien entendu, et ils vont nous parler aussi du Faire-toi. Et puis nous, bah, avant de vous parler du Faire-toi et de reparler de tout ça, on a été voir Molly Baron la semaine dernière. Ça, on a fait un week-end très rock'n'roll. Hein. Ah ouais. Vendredi, Molly Baron avec Mr. White Nose, et puis il y avait The Somn, je me rappelle plus du nom. Mais c'était très bien, les deux premiers groupes c'était très bien. Les danseuses, stripteaseuses, c'était très bien. Tom m'en a fait rater deux danseuses. J'étais dégoûté, quoi. Moi, je voulais voir du nichon et tout ça. Et ben, il m'a tout fait rater. Ah, c'est malin, Tom. Hein. Et puis, on a passé une super soirée. C'était à la mécanique ondulatoire. C'était très bien. Et je pense qu'on ira revoir les groupes pour croiser. Dans une salle un peu plus grande. Ouais. Et puis, avec un son meilleur. Justement, c'est pour ça que je t'ai dit dans une salle un peu plus grande. C'est pour que le son soit un peu plus. Mais c'était prometteur. Un peu moins étouffé. Ah oui, c'était bien prometteur. Après, c'est le problème de ces salles-là qui sont cavoutées, petite salle, c'est que c'est difficile. Voilà. En tout cas, Molly Baron, nous on a. Et dimanche, film, il a fait dimanche canapé. Voilà. Ouais, mais attends, on n'a pas parlé du Faire-toi le mais samedi. Non, on parlera du Faire-toi avec Dracar. Mais samedi, on a échappé à toute la pluie, sauf toi. Mais nous, on a échappé non, à la pluie. Non, moi j'étais dans le train. Il y avait la pluie dans le train. C'est la vie dans le train, d'accord. Et je vous ai ramené la pluie, juste la petite averse. On vous parle du Faire-toi tout à l'heure. Pour vous hydrater un petit peu. Ouais, juste quand t'es arrivé, il y a eu une averse. Comme quoi, oiseau de mauvais augure, hein, qui nous ramène la flotte. Merci, Tom, encore une fois, je te remercie. Allez, on va partir en chaleur. Ça te va? Parce qu'on va être avec ça, c'est ton problème. It, qui nous sort son nouvel album qui s'appelle Into the Great Unknown. Et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Blind Leads the Blind. Ça sort chez ERR Music, ça sortira demain, le 22. Et c'est le cinquième album studio du groupe, il contient 10 titres. Le groupe, c'est un sextet de hard FM, de hard rock tout simplement, formé en 2007 et ils sont suédois et c'est excellent. Franchement, encore cet album m'a encore surpris. Et j'espère qu'ils reviendront en France, parce que c'était la première fois qu'ils venaient en France il y a 2 ans, je crois. Ouais, c'est ça, il y a 2 ans. Et on aimerait bien les revoir. On enchaînera avec Dead Boys. Alors là, les gars, là, c'est carrément... on est dans le punk rock. Et ça, c'est bien parce que c'est très varié ce soir, le rock for show. Donc, Dead Boys, tiré de leur album Still Snotty Young Loud and Snotty at 40. Alors, rien que dans ce titre-là, vous allez vous dire, mais c'est marrant, il y a des trucs qui... Pour ceux qui connaissent Dead Boys, puisque le groupe est né en 76, hein, donc pour ceux qui le connaissent, un des pionniers du punk rock, un petit peu ravageur, qui est né aux États-Unis, hein, c'était quand même les premiers provocateurs, et ils nous viennent de Cleveland, voilà, et ils nous sortent en fait, c'est un album pour fêter les 40 ans de leur premier album. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle What Love Is. Et c'est un titre qu'ils ont réenregistré, tiré de leur premier album. Ça sort chez Blowboy Records demain également. L'album contient 9 titres. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Le groupe célèbre ses 40 ans, bien sûr, d'existence. Et avec cet album et les réenregistrements de ce premier album. On enchaînera ensuite avec mon cher Tom. Dracar. Voilà, tiré de l'album. Diabolical Empathy. Diabolical. Diabolical. Diabolical. Essaye, Diabolical. Diabolical Empathy. Ça te va? Ouais, mais je suis français. Bah oui, mais eux, ils sont belges. Ouais, mais ça empêche rien. Le titre que je vous propose de découvrir de ce nouvel album s'appelle Plague or Cholera. Ça sort bientôt, puisque ça sortira le 29 septembre. Ouais. Il contient 13 titres et on va en parler tout de suite après avec Richie et peut-être d'autres membres du groupe. Je ne sais pas si tout le monde est là. En plus, ils viennent de Mons, donc c'est des Wallons. Oui. Donc, voilà. Et ils se sont formés en 1983. Leur premier album culte s'appelle X-Rated. Il était sorti en 1988 chez Musidisc, chez New Record. Ouais, je crois que c'était New Musidisc. En tout cas, excellentissime album. On y va parce que sinon on va pas avoir. On y va. Sinon on va louper le bateau. Au lieu de louper le train, on loupera le bateau. On y va donc tout de suite. On s'envole avec qui on pour ouvrir It. Bad. Non, c'est Dead Boys. Et on finit avec Drakkar et on se retrouve tout de suite après. Musique. Come so round, can't build up of the stillness of your arms. De retour dans le studio du Rock for Show, comme tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30, diffusé sur Radio Biz, Radio Québec.biz. Salut tous les Québécois et tous les Canadiens et tout le monde entier. Mais pourquoi t'as mon micro toi? Je sais pas, parce que tout à l'heure tu me l'as pas. Non mais je le garde. Ah non mais je le garde maintenant parce qu'il est bien. Donne-moi l'autre alors. Bon, est-ce que ma voix est plus belle? Ah ouais, elle est mieux là, celui-là, c'est le mien. Non mais sérieux, mais j'ai mon micro. Quand est-ce qu'on a un échange de micro? Mais parce que ça marchait pas au départ. Oui, et mais même, je vous dis, c'est Rome for Show ce soir. Tom, il est complètement bourré. Buvez avec modération, sinon voilà comment vous allez finir comme Tom. Ah, voilà. Nous avons donc écouté Hit, suivi de Dead Boys, et nous avons fini avec Drakkar, tiré de l'album Diabolical Empathy, le dernier album de Drakkar, avec le morceau Plague or Cholera. Et ce que vous entendez en fond sonore, eh bien c'est quelque chose que vous n'avez pas encore entendu chez Drakkar, puisqu'il s'agit d'une petite balade. Ça s'appelle Stay With Me, et justement, on va demander à Richie qu'il reste avec nous pour une petite interview. Bonsoir à toi, Richie. Tu l'as pas? Ah bon? Ça a raccroché? Ah c'est malin ça Tom, quelqu'un t'appelle et tu raccroches. Il lui a raccroché au nez, c'est dingue. En tout cas, le nouvel album de Drakkar, ils nous l'ont joué offert-toi. Et c'était vraiment très très bon. Et ce soir donc on a décidé de les avoir en interview pour qu'ils nous parlent de ce dernier album, Diabolical Empathy, voilà, qui contient 13 titres. Et surtout c'est un album un petit peu spécial puisque c'est un petit peu un album conceptuel. Et là je crois que Tom est en train de galérer, je sais pas comment il fait. Il arrive pas à décrocher un téléphone. Mais à part ça il me dit tout est prêt les gars, vous inquiétez pas, tout roule, je maîtrise, je m'appelle Tom. Et bon, tu veux qu'on fasse pouce Tom? Allez, bon, et bien pour l'album d'Acme qui était à gagner tout à l'heure, et bien nous avons un gagnant. Salut à toi David, tu as donc gagné. Tu nous as donné donc le nom, mais il y a encore des albums à gagner hein, si vous en voulez, donc n'hésitez pas à nous donner donc le nom, le prénom du nouveau chanteur de Acme et sa taille surtout. Hein, voilà. Nous allons donc, je crois, maintenant pouvoir parler avec Richie, puisque je crois que Tom l'a au téléphone. Bonsoir Richie. Bonsoir à tous. Et à toutes. Autant pour moi. Alors, est-ce que tu t'es remis de ce fabuleux Faire-toi Rock in Fest? Absolument. C'était super sympa. C'était super bien organisé. Nous en gardons vraiment un super bon souvenir. Franchement, pour nos premières, par rapport au nouvel album, c'était super sympa. Et oui, c'était le retour était aussi super sympa. En tout cas, nous, on était très, très, très contents de vous retrouver en France avec un nouvel album, avec 13 nouvelles chansons, avec des morceaux qui déboîtent, avec des morceaux qui inspirent plus à la danse, on va en parler tout à l'heure. Et puis, il y a surtout cette balade dont on n'est pas tellement habitué de la part de Drakkar, la balade que l'on entend en fond sonore, « Stay With Me ». Et qui est, ma foi, fort sympathique et qui, pour moi, me touche vraiment. Parce que derrière, j'y mets pas mal de choses. Hein, j'y mets pas mal de souvenirs également par rapport à vous, par rapport aux personnes qui ont composé Drakkar dans le passé. Et voilà. Donc, tu vas nous parler un petit peu de cet album, de son concept également, puisque les morceaux sont liés les uns aux autres. Alors justement, les morceaux ne sont pas liés les uns aux autres. Donc ça, c'est un peu la force que Lenny a, c'est de pouvoir nous emmener sur des textes relativement poussés. Donc et je le sais, d'ailleurs, je salue tous mes potes de Drakkar ce soir qui écoutent probablement. Lenny est, même s'il a l'air méchant comme ça, est quelqu'un de très très cultivé. Franchement, c'est quelqu'un qui lit énormément, qui attire les données à lui, donc c'est quelqu'un qui s'inspire fortement de beaucoup de choses et notamment de pas mal de choses qu'il a visitées. Et voilà, donc aujourd'hui l'album qu'il a créé, en tout cas au niveau des paroles, ça vient vraiment de loin et c'est quelqu'un de nouveau qui met en avant ses textes, donc sans critiquer d'autres groupes, dont on voulait vraiment avoir la force de Lenny dans ses textes, puisque c'est lui qui a tout écrit comme un grand, tout seul. Et donc, oui, ce sont des choses réelles. Hein. Donc, même si on prend Each King of Pain, qui est le morceau du clip là qui tourne pour l'instant sur différentes plateformes, c'est tiré d'un tueur en série qui a réellement existé. Et donc, le principe est de partir de choses qui ont réellement existé, ou en tout cas qui ont connotation, on va dire, religieuse ou culturelle, mais qui partent sur des bases existantes. Et donc, voilà, ces textes, bah, on parle de tueurs en série, on parle de fantômes, on parle de sorcières, on parle de culte, voilà, donc il en fait tout un scénario, même si ces morceaux ne sont pas liés entre eux, puisque nous, souvent, on s'adapte par rapport à son chant. Des morceaux, ça s'adapte par rapport à son chant, donc voilà, c'est un album dans la lignée de Once Upon a Time, et je pense que les textes restent dans la lignée aussi de notre dernier album. Voilà, en résumé, c'est ça. Bon, en tout cas, nous on a craqué, parce que production parfaite. Des morceaux qui vont à 100 à l'heure, hein, notamment celui du clip là dont tu parlais. Ouais, Hitchhiking. Et en plus, un Lenny, tu as vu le lapsus révélateur. Un Lenny vraiment en forme qu'on a pu retrouver, fidèle à lui-même, qui va chercher le public. Offert-toi, ça a été mais vraiment... du pur bonheur, quoi. Et quand tu dis il a l'air méchant comme ça, non, je pense qu'il est complètement habité lorsqu'il est sur scène. Absolument, c'est vraiment bon, c'est ça. Voilà. Ouais, il est habité, c'est exactement ça. Et il le fait ressentir. Et bon, Lenny, c'est un frontman, hein, donc c'est quelqu'un qui, dès qu'il monte sur scène, il est dans sa peau de chanteur. Et je pense que le public le lui rend très, très bien. Et lui, le rend bien au public. Donc c'est vraiment un bel échange qui se passe entre le public et le groupe, et c'est vrai que ça met aussi ses morceaux, enfin ça met les morceaux de Dakar en avant, puisque là il est représentatif des morceaux qu'il a créés, mais c'est vrai que le contact avec le public est pour lui la première chose la plus importante. Ça se voit d'ailleurs, puisque même quand le show est terminé, il a toujours cette approche du public. Et c'est vraiment... moi, je sais que c'est quelqu'un que... Même tout le groupe. Hein, vous êtes des amours. Et ça, je tiens à le dire. Même si vous faites du heavy metal, vous êtes des amours. Et d'ailleurs, on ne se quitte plus depuis quelques temps maintenant, depuis que le groupe s'était reformé. Après, Once Upon a Time, qui a été quand même... qui a été traîné sur la route pendant... plus d'une année, presque trois ans. Comment rentre-t-on en studio pour enregistrer un nouvel album? Dans quel état d'esprit êtes-vous rentré? Est-ce que ça a été facile justement de réenregistrer? Alors nous, dans notre cas, c'était compliqué, puisque malheureusement, paix à son âme, notre ami Thierry nous a quitté au moment où nous commencions à composer l'album, et c'est clair que il a toujours sa place parmi nous, et donc quand nous enregistrions les nouveaux morceaux, je veux dire qu'à la base il avait sa place qui était prévue, et donc les morceaux étaient retravaillés pour deux guitaristes et non plus trois, et donc concrètement à la base c'était compliqué, pas compliqué de jouer les morceaux, pas compliqué de les composer, mais de les enregistrer sans Thierry. Donc ça, c'était vraiment très très compliqué. Et tout le temps qui a été mis pour l'album après On Se Pone, donc on parle de 3 ans, alors qu'il était prévu déjà l'année passée. Et donc il y a cet aspect des choses là, ça c'est certain. Maintenant, il est toujours là parmi nous, hein, son esprit est toujours là dès qu'on joue, d'autant plus que moi je joue à sa place, donc pour moi c'est quelque chose de très important. Mais par rapport à l'album, oui, à la base c'était compliqué, et puis au fur et à mesure, en avançant dans l'album, nous avons pris le temps, en tout cas de faire ressortir ce que Dracar pouvait sortir comme trip. Donc nous avons mis un certain temps à le préparer. Maintenant, le gros avantage que nous avons, c'est que nous travaillons en home studio, donc là toutes les prises de son, chaque musicien les fait chez soi, donc ce qui est quand même non négligeable. Puis c'est transféré chez notre ami Pat qui fait les montages des morceaux, et puis ça part en studio pour le mixage et le mastering. Mais c'est vrai que ça a pris du temps, et c'était compliqué, plus compliqué psychologiquement que musicalement. En tout cas, cet album est là. Il sortira donc le 29, à la fin du mois, le 29 septembre. Le 29 septembre, oui. Et vous allez déjà partir en tournée, faire déjà des concerts, puisqu'on va se voir sur deux dates en Belgique. Je vais te laisser en parler et présenter les groupes qui seront avec nous. Alors, le 29, donc c'est la sortie officielle de l'album. Nous serons avec nos potes d'Adix. Hein, on va faire jouer, on va faire participer à la petite fête nos potes d'Adix du côté néerlandophone de la Belgique avec un groupe qui s'appelle aussi Iron Mask. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. C'est du speed power metal assez technique. C'est vraiment pas mal. Et puis le 30, ça se passera du côté francophone en Belgique. Ça, c'est du côté de Lens en Belgique. Je vous insiste bien, Lens, Mons, avec de nouveau nos potes d'Adix. Donc, ils vont passer le week-end avec nous. Et quelques autres groupes comme Octan, qui est un super groupe. D'ailleurs, je te salue. Je salue Carole. Je salue toute la bande d'Octan, qui joue un rock heavy hyper puissant. Tel quel, qui est un groupe, puisque tu seras là, c'est du trust. C'est superbement bien fait. Ça sonne super bien. Ils chantent en français. Ce sont des gens d'expérience. Et puis, il y aura un groupe qui s'appelle Stanford, qui est un groupe de heavy metal, mais avec des tout jeunes. Je ne vais pas dire que c'est dans la lignée de l'existence, parce que c'est un autre style. Mais c'est plus rock'n'roll, mais dans la lignée jeunesse hard rock heavy metal. Donc voilà, on fait de la sortie de l'album en famille. On va dire ça comme ça. Bon, en tout cas, Octane, on en reparlera, hein, puisqu'on les avait fait jouer grâce à toi, hein, puisque c'est avec toi que je les avais découverts l'année dernière en Belgique. Également et après en France à Douai et là franchement on avait craqué. D'ailleurs on les avait mis à l'affiche du Paris Metal France Festival, comme absolument, on avait mis Drakkar et tout un tas d'autres groupes avec lesquels on a joué. C'était super sympa aussi comme fest. C'était sympa, ouais, c'était une petite fête comme ça entre amis. C'était la grosse fête, là. C'était plutôt la grosse fête, là. Je connais. C'était une petite fête avec deux trois bricoles, deux trois petits groupes. C'était sympa, franchement aussi. Dans la MJC du quartier, c'était très bien. quand vous allez partir donc sur la tournée, combien de titres de ce nouvel album allez-vous jouer? Est-ce que vous allez en jouer tout l'album ou deux ou trois morceaux seulement? Alors, il y a pas mal de demandes sur les anciens morceaux, mais sur le nouvel album, il y a entre 7 et 8 morceaux. Ah, excellent. Donc, les 7 du 30, c'est 14 morceaux en totalité. D'accord, 14 morceaux. Donc, ça fait la moitié à peu près de l'album qui va être joué sur scène. Alors, oui, on va en venir à cette magnifique balade, justement. Comment vous est-elle venue? Qui a composé la ligne musicale, la ligne mélodique de ce morceau? Et surtout, est-ce que ça a été facile à imposer au sein du groupe? Alors, imposer, il n'y a jamais personne chez nous qui impose. Donc, je pense que tu as pu le constater, nous, chez Drakkar, avant tout, c'est une famille. Donc, il n'y a personne qui impose quoi que ce soit. Donc, on propose et puis on dispose, si je peux parler comme ça. Maintenant, la lignée de la balade vient surtout de Lenny qui voulait reprendre l'idée d'un King of Shade de l'album Extruded. Mmh. Et aussi ouvrir un peu le métal à d'autres personnes qui écoutent du métal. Donc ça, c'est aussi une vue que nous avons, c'est d'ouvrir un peu plus, voilà, que l'album part peut-être plus aussi sur des radios rock, sur d'autres radios qui sont pas forcément métal. Donc il y avait cet aspect des choses là et puis malgré tout on se fait plaisir un morceau comme ça, d'autant plus qu'avec la demoiselle qui a chanté, qui fait, donc je salue aussi, qui est Julie du groupe Eternity en Belgique, qui est un super groupe vraiment à découvrir. Ça, c'est je vous invite vraiment à découvrir ce groupe, c'est vraiment de super bons musiciens. Et donc Julie est venue intégrer cette balade avec Lenny, et ça a donné ce que tu as entendu, donc ce que vous allez entendre, ou les personnes qui vont acheter l'album ou investir sur l'album vont pouvoir écouter. Alors cet album est distribué en France et en Europe, hein, c'est ça, par Season of Mist? Alors il est distribué aux USA, c'est en cours de négociation au Japon et tout en Europe. Donc c'est une distribution Season of Mist. Très bien, donc ça c'est aussi une petite fierté nationale, hein? Oui, absolument, mais oui, et puis ils font du bon taf, donc on a la chance de pouvoir être distribué par une maison de renommée. Hein. Donc, même si aujourd'hui nous voulons garder notre production, puisque là, oui, voilà. Donc, aujourd'hui, la production reste Draka, mais la distribution par une distribution professionnelle. Très bien. Je voulais qu'on discute aussi d'un autre morceau qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment fait chaud au cœur. On en a parlé d'ailleurs samedi, hein, au dimanche même, au petit déjeuner, parce que je l'ai trouvé très dansant, très celtisant, très pas tellement dracard, quoi, pas tellement dracarisant. Et ça s'appelle The Witch's Dance. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment est venue cette composition? Oui, c'est vrai que c'est un morceau assez c'est atypique par rapport à l'album, mais bon, malgré tout, il y a quand même quelques belles prises speed metal dedans. Mmh. Mais c'est vrai que ça c'est Pat. Donc Pat, d'arriver un jour en disant tiens les gars, j'ai un morceau ici, ça vous intéresse de l'écouter? Évidemment, bah oui, évidemment, ça nous intéresse de l'écouter. Et sur le coup, c'est vrai qu'on s'est tous regardés, et puis ça sort un peu du lot dans la ligne un peu Alstorm comme ça, un peu Viking, un peu voilà. Donc on s'est dit tiens, tout compté, oui. Et puis ben voilà, ça donne pas mal, l'air de rien, sur l'album. C'est marrant parce que pas mal de personnes reviennent avec ce morceau en disant tiens, c'est vrai, c'est pas forcément du dracard, mais bon sang, qu'est-ce que ça sonne bien. Donc voilà, c'est ce qui compte, ça sonne bien. Donc voilà, c'est l'explication. En tout cas, félicitations pour cet album, Diabolical Empathy. On a hâte de vous retrouver sur scène et de vous voir en France pour venir le défendre. Et ben moi, ce que je te propose, puisque ce morceau est quand même un petit peu atypique de Dracar, eh bien, on va le diffuser, comme ça les gens le pourront écouter. Et sachez que tout l'album est vraiment très, très varié dans ses rythmes, dans ses styles, dans ses textes également. Et je pense que tous les fans de Dracar de la première heure de cet album culte qui était X-Rated, vont retrouver quelque chose qui va vraiment leur parler à travers Diabolical Empathy. On te salue bien, mon cher Richie. On t'embrasse, bien entendu, et tu embrasses tous les autres membres de Draka. On te dit à la semaine prochaine sur scène. Et, okay. Et donc, on va écouter The Witch's Dance. Salut, mon cher. Salut, merci à toutes aussi. Bye bye. Rose of the night for the gods. De retour dans les studios, vous avez donc écouté le morceau The Witch's Dance de Drakkar. Voilà, en tout cas, allez les voir sur scène parce que ça vaut le coup. Lenny a toujours la patate et il vous met en joie. Nous allons passer à la suite de la programmation. L'album, bien sûr, de Drakkar s'appelle Diabolical Empathy. Il sort le 29 dans toutes les bonnes crèmeries. Il est distribué en France par Season of Mist. Donc vous le trouverez vraiment partout. Et voilà, un très bon album, 13 morceaux, superbe. Nous allons enchaîner avec un autre groupe qui a joué au Fertois Rockin' Fest ce samedi et sur lequel on a craqué littéralement. Le groupe s'appelle Bull Run et au départ, ils ne devaient pas être là puisqu'ils étaient là pour remplacer Frantic Machine. Eh bien, bravo les gars, vous avez bien fait. Même si les Frantic Machines, on adore, mais on aura l'occasion de les revoir et surtout on les connaissait, alors que vous, je ne vous connaissais pas. Et vous êtes un trio, un magnifique trio qui a sorti un EP 6 titres et vous aviez sorti un album avant, alors je ne sais pas, c'est qui contenait 12 titres, d'après ce que j'ai vu. Trio de métal français et ils sont de Paris. L'album, enfin le 6 titres, le EP 6 titres s'appelle Dark Ember. Ce soir, je vous propose de découvrir Higher Glory de Bull Run. C'est une autoproduction et ma foi c'est magnifique. C'est sorti en avril 2017. Alors dans les influences, moi j'ai noté un petit peu de Metallica par moment, surtout sur le premier morceau, mais également sur un autre morceau des petits vocaux à la DAD, Disneyland After Dark, des choses comme ça. Donc je pense que le groupe a vraiment un panel assez large d'influence et ma foi chapeau. Le groupe s'est formé en 2011 et je vous le recommande. Le groupe s'appelle Bull Run. Nous enchaînerons ensuite avec Cadavar qui sort son nouvel album le 29 septembre chez Nuclear Blast. Il s'appelle Rough Time et le titre que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Die Baby Die. C'est leur quatrième album au Cadavar. Ils nous font du stoner. Ouais, tu voulais dire quelque chose, Tom ? C'est des schleux au Cadavar. C'est des schleux. C'est pas au Cadavar, c'est au schleux. Ouais, c'est des Allemands, c'est un trio. On avait la Belgique tout à l'heure, maintenant il nous a parlé de la partie flamande. Maintenant il est parti chez les Flamands. Chez les Allemands. Chez les Allemands, voilà. Ouais, qui nous viennent de Berlin d'ailleurs. Et surtout, ils seront en concert, mon cher Tom, sur plusieurs dates en France. Oui, notamment pas très loin de la frontière, à Strasbourg, à la Laiterie, au club de la Laiterie, le 17 octobre. Le 18, ils seront à Paris au Trabendo avec Death LA. Le 19, ils seront chez moi, enfin pas très loin, à l'Ubu, à Rennes. Et le 20, à Bordeaux, au Krakatoa. Et après, le 24, à Lyon, au Fezin. Voilà, et c'est marrant parce que tu as dit le 20 à Bordeaux. Bah oui. Pas mal, c'est logique en même temps. Oui, hein. Le vin, c'est forcément à Bordeaux. Voilà, donc c'est Cadavar. Et on se retrouve tout de suite après ces deux morceaux pour la suite de l'émission Music Maestro. C'est parti! De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show, diffusé par Radio Biz. Tiens, d'ailleurs, ce serait bien que Eric nous fasse quelques petits jingles. C'est en cours, apparemment. C'est... Bah, il court pas assez vite alors. Le problème, c'est que là, c'est pas besoin de courir, il faut nager aussi. Ah oui, c'est vrai, il faut traverser l'Atlantique. Et il fait un peu froid. Bon, c'est vrai qu'en ce moment. Mais au fait, il devait pas venir en septembre. Parce que là, septembre touche à sa fin. L'année dernière. Non, cette année. Ah bah, cette année, je sais pas, il a déménagé très cher. Ah oui, c'est vrai, il déménage. Mais j'espère qu'il déménage pas dans sa tête. Hein. Attention, ouais. Monsieur Eric. Bon, j'espère que tu nous écoutes, Eric. Ce que tu entends en fond sonore, mon cher Eric, c'est Satyricon. Mais avant ça, nous avons donc écouté Cadavar. Pearl Run et Cadavar. Donc Satyricon, pourquoi on ne voulait pas ce soir, étant donné qu'on vous avait déjà passé dans l'émission? Tout simplement parce que mon cher Tom va vous annoncer les dates de concert du groupe. Je t'annonce rien du tout. Si, tu les annonces. Tu les as sur ton papier, alors tu vas les annoncer. Non, tu veux pas? Bon, ok. Tom a décidé qu'il foutait rien ce soir. Si, c'est bon. Non, mais parce que j'étais en train de préparer quelque chose. Excuse-moi, on me demande des choses par derrière pour d'autres personnes. Par derrière? Oh, c'est cochon, ça. Oh, si les gens te demandent par derrière, alors tu fais ce que tu veux de ta vie sexuelle, hein, mon cher Tom. Hein. Moi, personnellement, je n'y vois rien. Hein? D'accord? Ouais, voilà, je ne veux rien voir. C'est facile. Satyricon, ils seront à la maroquinerie le 30 septembre à Paris, à Nantes, à la MJC de Rezé, à Toulouse, au Métronome. Je salue. Mais donne-nous les dates! Donne-nous les dates! À Nantes le 1er oui. octobre, à la MJC de Rezé, à Toulouse, au Métronome le 2 octobre, au passage je salue Matt Promo. Oui. Et le, au Rockstore de Montpellier le 6 octobre. Voilà. Voilà, bah c'est ça. En gros, c'est que des putains de salles. Ouais, c'est des belles salles. C'est des très très belles salles hein, pour Satyricon, mais en même temps, c'est un très bon groupe également. Nous allons enchaîner avec des nouveautés, avec des choses qui ne sont pas sorties en CD. Le groupe s'appelle Freaky Time. On vous avait présenté au Paris Metal France Festival et avant ça, on les avait présentés au Dr. Feelgood. Avec Conscience et Asylum Fire. Alors Freaky Time nous ressort quelque chose de nouveau puisque c'est un clip. Ils n'ont pas sorti un CD, ils n'ont pas sorti un single. Non, ils nous sortent carrément un clip d'un nouveau morceau qui s'appelle Perfect Wedding. Et donc ce soir on vous passe le son seulement. C'est une autoprod, c'est sorti pour l'instant sur le net le 16 juin. On espère qu'en 2018 l'album va enfin venir. Et puis on espère pouvoir vous les présenter à nouveau sur scène pour la sortie et la release de cet album. C'est un quatuor rock qui nous vient de Charleville-Mézières. Ils ont sorti donc un premier EP 5 titres qui s'appelait Time to Go. On les avait reçus dans le Rock for Show en session live acoustique, mon cher Tom. Tu te rappelles? Yes. Et bon, et j'avais bien kiffé. D'ailleurs, je l'ai là si tu veux. Ouais, bon, on la repassera un jour. Hein. Je pense qu'on fera dans de la rediff, comme ça on essaiera de faire tous les lives qu'on a enregistrés au Rock for Show. Donc on a la chanteuse Foxy, qu'elle est mignonne. On a la bassiste, qu'elle est mignonne, qui s'appelle Joe aussi. On a le batteur qu'il est. Ah bah non. Je te le laisse, Tom, puisque tu veux des chants par derrière, bah je te laisse Mower. Et puis il y a Skunk à la guitare, donc je te le laisse aussi. Hein, moi je m'occupe des filles, tu t'occupes des gars, d'accord? Allez. Non mais c'est comme ça, ne discute pas. De quoi? Attends. Tu disais? Allô? Oui, je n'entends rien. Allô? Sacrilège. C'est lui qui. Satyricon, moi. C'était sa petit con. Nous allons enchaîner ensuite avec Buried Realm, qui est un groupe qui nous vient d'où d'ailleurs, je sais plus d'où vient le groupe, mais en tout cas, c'est un très très bon groupe. Enfin, d'ailleurs, c'est pas vraiment un groupe puisque c'est une personne seule qui compose, qui chante, qui joue de tous les instruments et qui se fait accompagner par la crème du métal. Je vous donnerai le détail un peu plus tard. L'album s'appelle The Icor Carcinoma. Le morceau que je vous propose de découvrir s'appelle For These Darknet Halls. C'est une autoproduction. Ah bah tiens, il nous a mis Freaky Time, c'est gentil ça, c'est très sympa. C'est une autoproduction qui sortira, bah on est combien non, le 21, donc c'est sorti hier, le 20. C'est un premier album de 10 titres et c'est pour les fans de Soulwork, Symphony X, Dissection, Creator et Carcasse. Ça, c'est vraiment pour faire large, ratisser large, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts dans cet album. C'est super bien joué, jugé plutôt, puisque le Josh Dummer, qui compose tout, est accompagné par des gens de Firewind, Septic Flesh, de Arsic, également de Cannabis Corpse, également de Arch Enemy, puisqu'on retrouve Monsieur Christopher Amott sur cet album. On retrouve également des gens de Vital Remains, de Nightrage, de Soulwork, de Recode the Submarine, Minol, excusez-moi. Et on retrouve également des gens de Winterson. Enfin bref, vous en avez vraiment pour tous les goûts. Il est accompagné de la crème du métal, on va dire, underground. Et franchement, moi, j'étais sur le cul en écoutant cet album. Donc, je vous rappelle le nom du groupe que vous pouvez aller découvrir le plus tôt possible. Ça s'appelle Buried Realm. Ce sera enchaîné avec des Frenchies du sud de la France. On avait envie de vous envoyer un petit rayon de soleil ce soir avec Z Family, qui nous sort son nouvel album qui s'appelle Chapter 2 Origin. Le titre que je vous propose de découvrir ce soir, c'est un titre qui sortira seulement demain à l'écoute, qui s'appelle Inked and Electric. Ça sort chez MEO Music le 29 septembre, et demain vous aurez donc le clip du titre que vous allez entendre ce soir. La release party pour cet album sera le 5 octobre au Dr. Feelgood, et le groupe jouera quelques morceaux. Et on peut vous annoncer que Z Family, bien entendu, c'est le nouveau projet du guitariste ex-guitariste de Dagoba, Z. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Le son de Z Family, tout simplement. C'est un gros mélange entre le métal, avec une production vraiment très moderne, et quelques paroles assez rock'n'roll, avec des influences à la Alice in Chains, Papa Roach et Korn. Voilà. Eh bien, on va partir en musique, et on se retrouve tout de suite après, mon cher Tom. On envoie la musique? C'est parti. The street inside my mind, I'm sitting in a townhouse, wearing girl white dress, black tears on your face. I just wanna be with you, so come on, baby. Let me be your fantasy. Your eyes were nice, your most special face. Your eyes were nice. Yeah. Yeah. allez, on danse, on danse, on danse, on danse. Allez, Tom, Tom, vas-y, bouge ton boule, Tom. Toi, tu danses, mais tu vois, tout à l'heure, quand la vidéo, elle va arriver. Oh merde, c'est vrai, tu m'as filmé. Oh putain. Elle va arriver, parce qu'elle n'est pas encore arrivée, parce qu'elle met 3 heures. On est ravitaillé par les corbeaux ici. Bon, bah, si elle met 3 heures, nous, il nous reste pas 3 heures pour finir cette émission. Il nous reste à peine un quart d'heure. Ce que vous entendez en fond sonore, le groupe s'appelle MC Ferrum, l'album Two Pass chez Metal Blade, sorti le 15 septembre. Le groupe s'est formé en 95, ils nous viennent de Finlande et ils seront en concert, mon cher Tom. Ils seront en concert à Paris, où ça, où que c'est que à c'est à la machine du Mourin Rouge. Exactement, 1er octobre, voilà, donc ne les ratez pas. Si vous voulez folker au son du extrême metal un petit peu quand même vocalement. C'est fond de la folk en Finlande. Hein. Ouais, un petit peu. Ouais. Enfin, en tout cas, ce que l'on a entendu avant tout ça, c'était Freaky Time, suivi de Buried Realm. J'espère que vous avez apprécié cette petite plage musicale. Et on a fini avec Z Family. Sorti chez nos amis de M.E.O. Musique. On salue Julien Alex et Alex. Voilà. Nous allons continuer avec des nouveautés avec Jeff Scott Soto, le magnifique, la voix en or. Jeff Scott Soto, moi j'adore. C'est un personnage que je... j'aurai toujours dans mon cœur, monsieur Jeff Scott Soto. Il a été chanteur de Yngwie Malmsteen, il a chanté sur un tribute à Queen, il a chanté dans Talisman, Takara, enfin bref, il a une carrière vraiment énorme, ce chanteur. Et en plus, il a un cœur comme ça en or. Il nous sort un nouvel album qui s'appelle Rétribution chez Frontier. Ça sortira le 10 novembre. On a encore du temps, mais on avait envie de vous passer des trucs comme ça. Et le morceau qu'on vous diffuse ce soir s'appelle Inside Outside. L'album contient 11 titres, c'est du heavy rock. On va dire que sa carrière a commencé en 1994. Il nous vient des États-Unis et plus exactement de New York. Nous enchaînons ensuite avec Emil Bulls qui nous sort aussi un nouvel album qui s'appelle Kill Your Demon. Ça sortira le 29 septembre chez AFM. Et le titre que je vous propose ce soir, c'est pour Tom. Quoique, c'est Miss Magnetic, Emil Bulls. L'album contient 12 titres. C'est de la fusion métal, enfin c'est très métal quand même. C'est un quartet formé en 1995. Ils nous viennent d'Allemagne, de München. Munich, là où il y a de la bière. Buvez avec modération. München. München, exactement. Et nous finirons cette partie musicale avec Stolen Memories, les Français de Stolen Memories, tirés de leur album Paradox. Le morceau s'appelle Exile. Ça sort chez Do It le 27 octobre. Exile, parce que c'est en anglais. Hein. Oui, parce que Exile, tu mets pas de. Voilà, donc Exile. Okay. C'est du prog metal, c'est le troisième album du groupe, il contient 10 titres, c'est un quartet formé en 2007 et ils nous viennent de France, comme je vous l'ai dit. On se retrouve tout de suite après pour la fin de l'émission. Pour l'instant, on envoie la Zikmu. 06 80 01 28 34, si vous voulez rappeler, des albums de Acme. So much confusion I feel inside. thirsty thoughts. The pictures in my head yearn for revelation. The scenes I create tainted in sensation. The lust to unlace graves from within. Her sway in her structures promising. She moves me like a hungry rhythm. I'll be damned if she ain't on a mission. Should I move, should I act, should I get close to her? I'll finish up, pay my tab and escape the blur. Dripping poison and flaming lust. Miss Magnetic, Miss Magnetic, what you doing to me? I cannot move, I'm feeling static. Catch my eyes as you please. Miss Magnetic, Miss Magnetic, what you doing to me? I am helpless, I'm an addict, and it's not ever free. What you doing to me? Curious to see how far desire bends me. Anticipation set free. To hell with hesitation, put my biggest bet in and go for a swim in the sea of sin. I'm going all in, that's a riddle. Into tight moves little by little. She pulls, she attracts like a magnet force. She toys, she repels, and her door is closed. Dripping poison, and flaming lust. Miss Magnetic, Miss Magnetic, what you doing to me? I cannot move, I'm feeling static. Catch my eye. Far, it's breaking my heart. I'm totally bruised. de retour dans le studio pour vous dire au revoir à la semaine prochaine avec un spécial British Steel Saturday Night 6. Hein, ça, c'est le festival de films avec que des vedettes anglaises et puis il y aura Gang bien sûr à l'affiche. On vous laisse avec X-E-2-H-E-2-X. Avec quoi ? Bah avec un titre de leur dernier album qui s'appelle Wrath of the Reaper. Et ça sortira c'est sorti le 15-9 chez High Roller Records. Ce sont des ex-Paradox. Ils nous viennent des États-Unis de San Francisco. Ils nous font du heavy trash metal. C'était rock. C'était fort. C'était chaud. C'était le Rock for Show. À la semaine prochaine. Bye bye.